Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neuron. Vous êtes à l'écoute de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et mon nom est Jimmy Farley et je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, nous avons Dave Kirshner des États-Unis, Mini Acoustic World et Solaris de Hongrie, Oyapok de France, Obraski de Pologne, Moulets d'Angleterre, Deus de Belgique, Archive d'Angleterre, et on va terminer avec un pot-pourri de Léormé d'Italie. Alors pour débuter l'émission de cette semaine, j'ai consacré le bloc entier à Dave Kirshner et 6 extraits de l'album The Traveler qui est paru le 10 juillet 2022. Et l'album est sorti en plusieurs versions, puis celle que j'ai obtenue, bien, c'est l'édition spéciale qui est répartie sur 2 CD et qui contient 28 chansons. Et de ces 28 chansons, j'ai extrait les parties 8 à 14 qu'on va entendre tout de suite. Yeah. should have it all, but you will find you're gonna have to leave it all behind. You cannot get it back. We'll be right back. Thank you. regaining all you lack. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Le bloc 2 de l'émission d'aujourd'hui est consacré à deux groupes de la Hongrie. La Hongrie, c'est un pourvoyeur quand même assez marginal en ce qui concerne le rock progressif. En effet, sur les 22 650 artistes qui peuplent la base de données de Rock de Neurones, mais il y en a seulement 132 qui proviennent de la Hongrie et peu sont encore actifs. Alors, parmi ces groupes, j'ai choisi pour vous Mini Acoustic World et Solaris. Solaris, qui est probablement le plus connu des groupes hongrois. Alors, Solaris a 5 albums à son actif et le plus réussi est probablement l'album Martian Chronicles 2 qui est paru en 2014 et j'en ai extrait 2 chansons pour vous. Mais auparavant, allons-y avec Mini Acoustic World et un extrait de l'album Bartok on Rock qui est paru en 2017. Thank you. Amanda. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous débutons le troisième segment de l'émission avec une nouveauté qui nous vient de la France. C'est le groupe Oyapok qui vient de faire paraître leur premier album qui s'intitule Oiseau-Lune. Et ça sera suivi du groupe polonais Obreski pour ensuite entendre de Moulette. Ça nous vient d'Angleterre. On aura aussi Deus de Belgique et Archive d'Angleterre. Alors, je vous rappelle que pour le libellé exact des informations sur les morceaux, les albums et les artistes, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission. Yeah. Odpływam w dal, nie znajdziesz mnie już tam. Odpływam tam, gdzie jeszcze nikt nie leczył ran. Odpływam tam, gdzie jeszcze nie. Horizont muss liegt die Stamm. Horizont dusche, gdzie stro. Is hidden. the beat. My pet recording of your feet. Simple pleasures. Pisces, crises, hail the cow. Making paper airplanes, not making out. Repeat with feeling, repeat without. Repeat simple pleasures. Inside out. Say that it's just a dream. One could wake up and back to sleep. One could throw away fax machines. Find a way on that could have been. One could see through the eyes of lions. Push your life over iron wires. Ask yourself even why you're trying. Simple pleasure is a simple crying. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voilà rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui. Et je l'ai consacré cette semaine aux trois premiers albums du groupe italien Les Ormés. Ces albums-là ont été enregistrés entre 1971 et 1974. Et j'en ai extrait pour vous cinq chansons. Et c'est tiré des trois premiers albums qui s'intitulent Collage, Contrapunti et Uomo di Pezza. Cemento armato, la grande città, senti la vita che se ne va. Vicino casa non si respira, è sempre buio, ci si dispera. Ci son più sirene nell'aria che canti di usignoli, è meglio fuggire e non tornare. di raggiungere quello che non hai. Ecco un altro giorno come ieri, aspettare il mattino per ricominciare. La colpa d'essere vivo e non poter cambiare. Come un ramo secco abbandonato che cerca inutilmente di fiorire. Dove nulla si fa mondo, dove brilla la tua luce. sembrava già vittoria. E nel buio la paura prima di dormire. Per il primo giuramento che ho strappato al sole. A primavera il sasso nello stagno che rimbalzava così forte in noi, nel rotolarci sotto il fieno, soffriva il cuore frutto ancora acerbo. Sera via di corsa all'osteria per ripetere a mio padre la minestra è fredda. Nel silenzio verso casa la sua mano triste e le ragazze che ridevano dietro le spalle dei segreti ardori. Io mi sognavo di fermarle, ma la mia voce si perdeva al vento. Dietro il sole grande e bianco, quanto amore, quanto amore mi scoppiava dentro. Ricordo ancora quello strano giorno, dissi sincero, non lo voglio fare. La pregavo di restare per un minuto solo. Si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Cattura le stelle per i suoi desideri,